3. Comprendre des instructions. Activité 26. 1. Bonjour, Madame Clara Dupont au téléphone, secrétaire de Madame la Directrice. Êtes-vous disponible pour un rendez-vous mardi? J'attends votre appel. 2. Bonjour, Monsieur Legrand. Je vous appelle pour prendre un rendez-vous pour parler des notes de votre fils. Ses notes de mathématiques sont très basses. Merci. 3. Allô? C'est Madame Fournier de l'Agence pour l'emploi. Votre rendez-vous de jeudi à 10h au restaurant est confirmé. N'oubliez pas vos documents. Merci.